sur mon lit d'hôpital une dernière fois. Je pense à toi juste avant mon dernier soupir. Je repense à tout ce que tu m'as fait subir. Mais dans la forêt, le hibou allait de ses petits. Mais dans la forêt, tout est beau, tout est joli. Je ne suis pas du genre rancunier, mais là Jean-Paul, tu as exagéré. Tu peux me tromper avec qui tu veux, mais pas avec mon petit neveu. Mais dans la forêt, le hibou allait de ses petits. Mais dans la forêt, tout est beau, tout est joli. Je n'avais pas la santé pour supporter tes mœurs détraquées. C'est pour mieux t'oublier que je me suis jetée sous le tramway. Mais dans la forêt, le hibou allait de ses petits. Mais dans la forêt, tout est beau, tout est joli. Juste en dessous.